السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on continue إن شاء الله تعالى l'explication de Cheikh Fawzan حفظه الله تعالى الملخص في شرح كتاب التوحيد. On est arrivé à la parole de l'auteur رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك ici c'est أعطيتك en fait c'est أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وروى البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Donc l'auteur qui est Cheikh al-Islam Mohammed bin Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit: les musulmans rapportent d'après Thawban qu'elle a l'agré que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah m'a plié la terre et j'en ai vu son occident et son orient, et le royaume de ma communauté s'étendra aussi loin que ce qui m'en a été plié, et j'ai reçu les deux trésors, le rouge et le blanc. Et j'ai certes demandé à mon Seigneur pour ma communauté qu'il ne l'extermine pas au moyen d'une famine générale, et qu'il ne fasse pas qu'ils soient dominés par un ennemi extérieur qui s'emparerait d'eux ou de leur terre. Et mon Seigneur a certes dit: ô Mohammed, lorsque je décrète une chose, elle est inévitable. Et donc je te donne pour ta communauté que je ne les extermine pas par une famine générale, et que je ne fasse pas qu'ils soient dominés par un ennemi extérieur qui s'emparerait d'eux ou de leur terre, et ce même s'ils se regroupent de différentes régions contre eux, tant qu'ils ne s'entretuent pas. Donc ici une condition, on va comprendre dans un instant, inshallah, tant qu'ils ne s'entretuent pas les uns les autres et ne se prennent pas comme captifs les uns les autres. Et ici c'est rapporté par Moussim Onadi, numéro 2889. Al-Barqani l'a rapporté dans son authentique et a rajouté, c'est un rajout par rapport à ce hadith: et je ne crains pour ma communauté que les imams qui égarent, et que si la fitna et les combats se produisent entre eux, cela ne s'arrête pas jusqu'au jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection n'arrivera pas tant qu'une tribu de ma communauté n'aura pas rejoint les associateurs dans leur contrée, et tant que des groupes de ma communauté n'adoreront pas les idoles. Et il y aura 30 menteurs, des imposteurs, dans ma communauté, prétendant tous être un prophète, alors que je suis le sceau des prophètes, et qu'il n'y a aucun prophète après moi. Et une partie de ma communauté n'aura de cesse d'être sur la vérité victorieuse, ne leur nuiront pas ceux qui les trahissent, ni ceux qui s'opposent à eux, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah, le Très-Haut, arrive. الإكسبلاسيون دو شيخ الفوزان حفظه الله تعالى إلدي: ترجمة ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبه ولازمه وسكن بعده الشام، ومات بحمص سنة 54 هجرية. دونك لابي غوفي دو ثوبان لو كومبانيون كي رابورت الحديث رضي الله عنه وأرضاه، سي ليسكلاف أفرانشي دو ميساجي د الله صلى الله عليه وسلم كي في سون كومبانيون، إي ريستا أفيك لوي، إي كي أبيتا أو شام أبخي لوي، إي مورو حمص. Correspond à la Syrie contemporaine, en l'an 54 de l'Égir. Zawali al-Ard, أي طواها وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره فأبصر ما تملكه أمته من أقصى مشارق الأرض ومغاربها. زوال الأرض il me l'a plié et on a fait un ensemble à la manière d'une paume qu'il regarde dans le miroir. Et il a donc vu ce que possédera sa communauté en Occident et en Orient de la Terre. ما زوي لي منها يحتمل أن يكون مبين للفاعل وأن يكون مبني للمفعول. ما زوي لي منها, ce qui m'en a été plié. Et c'est une règle de grammaire difficile à traduire. Parce que le bina ici peut être ou le fa'il ou le maf'oul. Ça peut être soit pour le sujet, soit pour le complément d'objet direct. Al-Kanzaini, Kanzu Kisra, wa huwa malik al-Furs, wa Kanzu Qaisara, wa huwa malik al-Rum. Al-Kanzaini, les deux trésors, ce sont lesquels, on avait dit l'Ahmar ou l'Abiyad. Eh bien, les deux trésors sont les trésors de Kisra, le roi des Perses, et le trésor de Qaisar, le roi des Romains. Al-Ahmar, عبارة عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب الأحمر. On a parlé du trésor rouge, l'Ahmar. C'est une description du trésor de Qaisar, car ce qu'ils avaient le plus c'était de l'or. والأبيض عبارة عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة والأحمر والأبيض منصوبان على البدل. الأبيض ici, c'est une description du trésor de Kisra, car ce qu'ils avaient le plus, c'était les pièces précieuses et l'argent, yani la matière, le fidda. Bisanatin, sana, al-jadb. C'est quoi, sana? Sana ici, sana amma, c'est al-jadb, la famine. Bi'amma, sifa li sanatin ruya bilba, wa bihadfiha ay, jadbun am, yakunu bihi al-halakul am. Peut traduire aussi par une arde majdoub. On avait rapporté ce hadith, ce lave là une fois. Comme par une terre où il y a la sécheresse, comme ça, qui le majdoub. Nous, on a traduit ça ici comme ça. Et on a dit, c'est la famine. Bi'amma, c'est un attribut de sana. Bi'sanatin amma. C'est-à-dire une famine générale dont résulte une extermination générale. من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار autre que extérieur, c'est-à-dire parmi les mécréants. بيضتهم قيل ساحتهم وما حازوه من البلاد وقيل معظمهم وجماعتهم. بيضتهم, il est dit que c'est leur place et que ce qui va plus loin comme contrée. Il est aussi dit que c'est la majorité d'entre eux et leur jama'a. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا أي حتى يوجد ذلك منهم فعند ذلك يسلط عليهم عدوهم من الكفار. Tant qu'ils ne se tortuent pas les uns les autres, c'est-à-dire que si cela arrive, alors à ce moment-là, Allah leur enverra un ennemi parmi les mécréants qui les dominera. Donc c'était ça la condition à laquelle on faisait référence tout à l'heure, que Cheikh Al-Fawzan va expliquer dans un instant, de toute façon, Inch'Allah. الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس. Les imams qui égarent, c'est-à-dire les émirs et les savants, et les dirigeants et les savants et les adorateurs pieux que les gens prennent en exemple. إذا وقع عليهم السيف أي وقعت الفتنة والقتال بينهم. إذا وقع عليهم السيف, c'est-à-dire que la fitna et le combat se produisent en leur sein. لم يرفع إلى يوم القيامة أي تبقى الفتنة والقتال بينهم. Ce ne sera pas levé jusqu'au jour de la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la fitna et le combat resteront en leur sein, au sein des musulmans. يلحق حي من أمتي الحي واحد واحد الأحياء وهي القبائل. C'est le حي ici, c'est le singulier des أحياء, et ce sont les tribus. بالمشركين أي ينزلون معهم في ديارهم. Chez les associateurs, c'est-à-dire qu'ils résideront avec eux dans leur demeure, dans les demeures des associateurs, dans leur contrée. Fi amun ay jama'at, c'est-à-dire des groupes. Khatamun nabiyyin ay akhirun nabiyyin, le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes. Hatta ya'ti amrullah, al-dhahiru an al-murada bihi, al-rih at-tayyibah allati taqbidu al-arwah al-mu'minin. Ce qui est apparent, c'est que son sens est le bon vent qui va prendre la vie, le souffle des croyants. Tabaraka kamula wa ta'azama wa taqaddasa wa la yuqalu illa lillah. Tabaraka, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait, il est immense, il est très sanctifié, subhanahu wa ta'ala. Et ce tabaraka, ce terme ne peut être dit que pour au sujet de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala ta'azama wa kamula uluwuhu. Son élévation est parfaite et immense. Le sens général du hadith, le ma'na l'ijmali du hadith. هذا حديث جليل يشتمل على أمور مهمة وأخبار صادقة يخبر فيها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه جمع له الأرض حتى أبصر ما تملكه أمته من أقصى المشارق والمغارب وهذا خبر وجد مخبره قد اتسع ملك أمتي حتى بلغ من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق وأخبر أنه أعطي الكنزين فوقع كما أخبر وقد حازت أمته ملك كسرى وقيصر بما فيهما من الذهب والفضة والجوهر وأخبر أنه سأل ربه لأمته ألا يهلكهم بجدب عم ولا يسلط عليهم عدوا من الكفار يستولي على بلادهم ويستأصل جماعتهم وأن الله أعطاه المسألة الأولى وأعطاه المسألة الثانية ما دامت الأمة متجنبة للاختلاف والتفرق والتناحر فيما بينها فإذا وجد ذلك سلط عليهم عدوهم من الكفار وقد وقع كما أخبر حينما تفرقت الأمة وتخوف صلى الله عليه وسلم على أمته خطر الأمراء والعلماء الضالين المضلين لأن الناس يقتدون بهم في ضلالهم وأخبر أنها إذا وقعت الفتنة والقتال في الأمة فإن ذلك يستمر فيها إلى يوم القيامة وقد وقع كما أخبر فمنذ حدثت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه وهي مستمرة إلى اليوم وأخبر أن بعض أمتي يلحقون بأهل الشرك في الدار والديانة وأن جماعات من الأمة ينتقلون إلى الشرك وقد وقع كما أخبر فعبدت القبور والأشجار والأحجار وأخبر عن ظهور المدعين للنبوة وأن كل من ادعاها فهو كاذب لأنها انتهت ببعثته صلى الله عليه وسلم وبشر صلى الله عليه وسلم ببقاء طائفة من أمتي على الإسلام رغم وقوع هذه الكوارث والويلات وأن هذه الطائفة مع قلتها لا تتضرر بكيد أعدائها ومخالفيها. Quel est le sens général de ce hadith? Hadith de Thawban rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il dit: ce hadith est un hadith important qui comprend des affaires importantes et des informations véridiques. Celui qui est véridique et qui est considéré comme tel nous informe, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qu'Allah le Très-Haut lui a regroupé la terre, lui a plié la terre jusqu'à ce qu'il voit ce que possédera sa communauté de l'extrême est à l'extrême ouest. Et cette information s'est avérée véridique, car le domaine possédé par sa communauté s'est étendu jusqu'à ce qu'il aille de l'extrême est à l'extrême ouest. Et il a informé sallallahu alayhi wa sallam qu'il a reçu les deux trésors. Et cela s'est passé comme cela a été annoncé, comme il l'a annoncé, car sa communauté a obtenu les trésors des deux rois Kisra et Qaisar, avec ce qu'il comporte comme or et comme argent et comme pierre précieuse. Et il a informé qu'il a demandé à son Seigneur qu'il ne les extermine pas par une famine générale et qu'il fasse qu'ils ne soient jamais dominés par un ennemi qui s'accaparerait leur terre et les exterminerait. Et qu'Allah lui a accordé la première demande. Et lui a également exaucé la deuxième demande tant que sa communauté se tient à l'écart de la divergence et de la division et des querelles intestines. Et que si cela arrivait, Allah alors allait leur envoyer leur ennemi parmi les mécréants. Et cela s'est passé comme cela a été annoncé, lorsque la communauté s'est divisée. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a craint les dirigeants et les savants égarés et qui égarent pour sa communauté. Car les gens les prennent comme modèle dans leur égarement. Et il a informé que si la fitna et les combats internes arrivaient dans sa communauté, que cela continuerait dans la communauté jusqu'au jour de la résurrection. Et cela s'est passé comme il l'a annoncé. Car depuis que la fitna s'est passée, lors de l'assassinat de Uthman, qu'Allah le Très-Haut ou l'agré, elle a continué jusqu'à ce jour. Et il a informé que certains membres de sa communauté allaient rejoindre les polythéistes dans leur terre et dans leur religion. Et que des groupes de sa communauté allaient aller vers l'association Allah Azza wa Jal. Et cela s'est passé comme il l'a annoncé. Et les tombes sont adorées ainsi que les arbres et les pierres. Et il a informé également de l'apparition des gens qui se prétendent prophètes, et qu'ils sont tous des menteurs, car la prophétie s'est arrêtée avec son envoi à lui, en tant que prophète et messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a annoncé la bonne nouvelle qu'une partie de sa communauté resterait sur l'islam, malgré ses calamités et ses malheurs, et que ce groupe, malgré son petit nombre, ne subirait pas de dommages de la ruse de ses ennemis et de ceux qui s'opposent à eux. Le cheikh il dit, « Munasabatul hadith lil bab » أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن جماعات من أمته ستعبد الأوثان ففي الرد على من أنكر وقوع الشرك في الأمة. Le rapport entre le hadith et le chapitre est que le prophète صلى الله عليه وسلم informe dans ce hadith que des groupes de sa communauté allaient adorer les idoles. Et il y a donc dans ce hadith une réfutation à l'encontre de ceux qui nient que l'association à Allah soit commise dans cette communauté. Donc vous comprenez pourquoi cher l'islam Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a cité ce hadith dans ce chapitre. Ma yustafadu min al-hadith, les enseignements tirés de ce hadith. Awalan wuku'u shirki fi hadhihi al-umma wa raddu 'ala man nafa dhalik. L'association à Allah est commise dans cette communauté et la réfutation à l'encontre de ceux qui nient cela. Thaniyan, 'alamun min 'ala nubuwwatihi 'alayhi salatu wassalam, haythu akhbara bi akhbarin waqa'a madmunuha kama akhbar. Deuxième enseignement, c'est un signe parmi les signes de sa prophétie, sallallahu alayhi wa sallam. Car il a annoncé des choses dont le contenu s'est passé comme il l'a annoncé. Troisièmement, thalithan, kamalu shafaqatihi sallallahu alayhi wa sallam bi ummatihi haythu sa'ala rabbah laha ma fihi khayruha wa a'damuhu at-tawhid wa takhawafa 'alayha ma yadurruha wa a'damuhu ash-shirk. Troisième chose, c'est la perfection de sa sollicitude envers sa communauté, alayhi salatu wassalam. Car il a demandé à son Seigneur pour elle ce dans lequel il y a son bien. Et le plus important de cela est de mettre en garde la communauté contre la divergence et les prédicateurs de l'égarement. Rabi'an, khatmu an-nubuwwati bihi sallallahu alayhi wa sallam. La prophétie se termine avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, sixièmement ici ou le cinquièmement? Quatrièmement, c'était la mise en garde de la communauté contre la divergence et les imams de l'égarement. Ça? Cinquièmement, c'était la prophétie se termine avec lui alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et sixièmement maintenant, « Al-bisharatu bi anna al-haqqa la yazulu bil-kulliyati wa bi-baqa'i ta'ifatin alihi la yadurruha man khadalaha wa la man khalafaha. » Sixièmement, donc l'annonce de la bonne nouvelle que la vérité ne disparaît pas complètement et qu'un groupe restera sur cette vérité et ne l'ignoreront point ni ceux qui le trahissent ni ceux qui s'y opposent. Une faïda qui a à voir avec le cours mais qui est importante dans le manhaj. Souvent, on entend des discours de gens qui disent par exemple par rapport à la divergence dans la communauté. Ils disent, ils citent des versets, وَعْتَصِمُوا بِحَبِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hein, cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et c'est comme si ils rejetaient et ils niaient cette division. Ou, des fois, certains de nos frères qui ont difficile à suivre le haq quand il y a des divergences et à délaisser les gens qui ont été jugés par le ulama comme étant égarés. Il y a une chose très simple. Cheikh Mohamed Amal Jami, rahimahullah. Et ça, c'est une grande faïda, moi, personnellement, qui m'a beaucoup aidé dans l'aqidah, qui m'a beaucoup aidé dans le manhaj. Donc, je voulais la partager avec vous. Cheikh Mohamed Amal Jami, rahimahullah, si je me souviens bien, c'est dans l'Usul Sitta, dans son explication de l'Usul Sitta, il dit « Comment est-ce qu'on regroupe entre le hadith ?»« Sataftiriqu ummati ala 73 firqa, kulluha fi nari illa wahida. » Ma communauté va se diviser en 73 groupes, tous en enfer, sauf un. Et le verset qui dit « Wa atasimu bihabillahi jami'a wa la tafarraqu. » Hein? Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Il y a un hadith qui dit que la communauté va se diviser et le verset qui interdit cette division et qui ordonne le cramponnement au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien il dit, on revient à l'aqidah. On sait très bien que l'irada se divise en deux. Irada kauniya wa irada shar'iyya. Qu'il y a la volonté d'Allah dans la législation et la volonté d'Allah dans la création. Allah dans sa création, subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il y ait la division. Il a voulu qu'il y ait le mal et qu'il y ait le bien, qu'il y ait le tawhid et qu'il y ait la sunna et qu'il y ait le shirk et qu'il y ait la bid'a, etc. Allah l'a voulu. Mais attention, est-ce que cette volonté va avec son amour et sa satisfaction? Non. Donc pourquoi Allah l'a voulu? Pour une hikmah, c'est pour tester les gens. Tandis que la volonté d'Allah dans sa législation, c'est qu'Allah dans sa législation ne veut que le bien. Elle ne veut que l'union, ne veut que la sunna, ne veut que le tawhid. Et cette irada-là va avec l'amour et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ce qu'Allah aime et ce dont il est satisfait, subhanahu wa ta'ala. Et avec cela, le cœur de l'individu s'apaise. Le hadith, l'irada al-kawniya. Le verset, l'irada shara'iyya. Toi, tu vois des divisions autour de toi. Même si tu devais rester tout seul sur la sunna là où tu es. Eh bien, tu sais qu'Allah a voulu qu'il y ait cet égarement-là des gens autour de toi. Et qu'il y ait cette division-là. Mais toi, tu t'accroches à sa volonté dans la législation. Tu t'accroches à la sunna. Et tu acceptes ce qu'Allah a voulu. Barakallahu fikou. Donc c'est une faïda par rapport à comment faire le jam' entre ce verset et le hadith. Cheikh Mohamed Jami, rahimahullah, il est mort en disant l'aqida, l'aqida. Yusib l'aqida. Il recommandait l'aqida, il enjoignait l'aqida. Le fils de Cheikh Mohamed Aman, il disait que, je parle de sa maladie, de sa mort, hein. C'est pas comme un rhume ou une grippe où il est mort, il mourait, il était agonisant le cheikh. Il n'arrivait plus à lire. Et parce qu'il ne voulait pas arrêter de lire, il a demandé à son fils de lire. Son fils était fatigué de lire. Regardez l'ijtihad et le désir ardent que les ulama ils avaient, l'ilm. Le cheikh, il perdait connaissance, il revenait, et il disait au frère, il disait, dites au frère, enjoignez au frère à l'aqid, à la croyance. Bab ma ja'a fi sihr. Wa qali Allah ta'ala, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa. Wa qawlihi yu'minuna bil jibti wa ta'gout. Qala Umar, al jibtu sihr, wa ta'gout al shaytan. Wa qala Jabir, al tawagit. كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. Et c'est ce que j'ai dit par rapport à l'aqida, etc. Ce n'est possible évidemment que si tu apprends l'arabe, tu ne pourras pas avoir vraiment accès à l'aqida, vraiment avec la compréhension de l'ulama de manière profonde, en ayant accès à leur compréhension directement sans aller via l'intermédiaire d'un traducteur, qu'en apprenant la langue arabe. Et alors là, tu auras accès à des trésors. Rien que parmi les chiurs contemporains, tous les livres et les audios auxquels tu as accès, que ce soit de Cheikh Mohamed Aman Jami, que ce soit de Cheikh Ahmed Al-Ansari, que ce soit de Cheikh Ben Baz, que ce soit de Cheikh Al-Uthaymin, que ce soit de Cheikh Al-Albani, que ce soit de Cheikh Mohamed Amin Al-Shinqiti, que ce soit de Cheikh Rabi', que ce soit de Cheikh Obeid, que ce soit de Cheikh Al-Fawzan, de Cheikh Al-Luhaydan, de Cheikh Foulata. Et on en cite, et on en passe. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, chapitre de ce qui a été rapporté au sujet du sihr, qu'on peut traduire par magie, sorcellerie, etc. Et la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens est, et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Surat al-Baqarah, verset 102. Et sa parole dans la traduction du sens est, il croit au jibt, c'est-à-dire la magie, comme on va le voir dans un instant, et au ta'arout, surat Nisa, verset 51. Omar a dit, radiallahu anhu, al-jibt, c'est al-sihr. Et al-Tawagout, c'est le shaitan. Et Jabir a dit, al-Tawagout, ce sont des devins sur lesquels descendait Satan, un par tribu. L'explication de Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, munasabatu al-bab li kitab al-Tawhid, anhu lamma kana al-sihr min anwa'i shirki, id la ya'ti al-sihr biduni shirk, aqada lahu al-musannifu, rahimahullah ta'ala, hada al-bab fi kitab al-Tawhid, li yubayyina dhalika tahdiran minha. Le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité, c'est-à-dire le chapitre dans lequel ce livre, dans lequel s'articule ce chapitre. Le livre dans lequel ce chapitre s'articule par rapport aux autres. Et que comme le sihr est l'un des types d'association à Allah, car il ne peut se faire sans association à Allah, l'auteur lui a consacré ce chapitre dans le livre de l'unicité afin de clarifier cela, pour mettre en garde contre cela. Ma ja'a, il explique les termes, Cheikh Al-Fawzan, ay min al-wa'idi wa bayani munafatihi lit-tawhid wa takfiri fa'ilihi. Ce qui était rapporté, c'est-à-dire en termes de menaces et de mise en évidence qu'il annule l'unicité et de l'excommunication de celui qui le commet. Fi sihri, al-sihru fi al-lugha, ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Wa shar'an, azami'un wa ruqa wa kalamun yutakallamu bih, wa adwiyatun wa tadkhinatun wa uqad. Yu'athiru fi qulubi al-abdani, fi al-qulubi wal-abdani, fa yumridu yaqtulu wa yufarriqu bil-mar'i wa zawjih. Au sujet du sihr, il y a sihr dans le sens linguistique, c'est une expression pour ce qui est caché, Et donc la cause est cachée, fine. Et dont la cause est cachée, fine. Et dans le jargon religieux, ce sont des sorts et des incantations et des paroles qui sont dites et des remèdes et des fumages et des nœuds qui ont un effet sur les cœurs et sur les corps et donc rendent malade et tuent et séparent un individu de son épouse. وَلَقَدْ عَلِمُوا أَيْ عَلِمَ الْيَهُودُ الَّذِينَ اسْتَبْدَلُوا السِّحْرَ عَلْ مُتَبَعَةِ الرُّسُلِ وَلَقَدْ عَلِمُوا Et ils savent très certainement, c'est-à-dire les juifs savent très certainement qu'ils ont échangé le suivi des messagers contre le sihr. لَمَنْ اشْتَرَاهُ أَيْ رَضِيَ بِالسِّحْرِ عِوَضًا عَنْ شَرْعِ اللَّهِ وَدِينِهِ لَمَنْ اشْتَرَاهُ Celui qui l'acquiert, c'est-à-dire s'est satisfait du sihr à la place de la législation d'Allah et de sa religion. مِنْ خَلَاقٍ مِنْ نَصِيبٍ من خلاق c'est-à-dire une part. الجبت كلمة تقع على الصنم والساحر والكاهن والتفسير عمر له بالسحر من تفسير الشيء ببعض أفراده. الجبت c'est un mot qui s'applique à la statue et aux sorciers et aux devins. Et l'explication de Omar par le sihr est de l'ordre de l'explication d'une chose par l'un de ses composants. الطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد فكل من تجاوز المقدار والحد في العصيان فهو طاغوت. الطاغوت cela vient de الطغيان, qui est de dépasser les limites, et donc toute personne qui dépasse la mesure et la limite dans la désobéissance est un طاغوت. الطواغيت كهان المراد بأن الكهان من الطواغيت فهو من أفراد المعنى وليس المراد الحصر. الطواغيت كهان les طواغيت sont des devins. Le sens de cela est que les devins font partie des tawarit. Et cela est donc l'un des composants du sens. Et pas tout le sens de manière exhaustive. Yanzilu alimu shaytan, ay shayatin, la iblis khasatan, fawa ismu jins. Yanzilu alimu shaytan, quand on dit qu'il descend sur Satan, c'est pas Satan lui-même spécifiquement, uniquement. C'est-à-dire les démons, et pas iblis de manière spécifique, car c'est un terme générique. Fi kulli hayyin, fi kulli qabilatin, dans chaque tribu. المعنى الإجمالي للآيتين لسان جنرال دو سي دو فيرسي يقول تعالى ولقد علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان بالله لمن استبدل السحر بكتاب الله ومتابعة رسله ما له نصيب من في الآخرة وفي الآية الثانية يخبر تعالى عن اليهود أنهم يصدقون بالجبت الذي منه السحر. Le sens général des deux versets est qu'Allah le Très-Haut dit que les Juifs savaient certainement ce qu'ils ont échangé, eux qui ont délaissé le suivi des messagers et la foi en Allah pour le sihr, que celui qui délaisse le livre d'Allah et le suivi des messagers pour le sihr n'a aucune part dans l'au-delà. Et dans le deuxième verset, Allah le Très-Haut informe au sujet des Juifs qu'ils croient au Jibt dont le sihr fait partie. مناسبة الآية للباب أنهما يدلان على تحريم السحر وأنهم من الجبت. Le rapport entre les deux versets et le chapitre est qu'ils indiquent tous deux le caractère illicite du sihr et qu'il fait partie du jibt. Ma yustafadu min al-ayatayn, les enseignements tirés des deux versets. Awalan tahrim al-sihr, premièrement c'est que le sihr est illicite. Deuxièmement, kufr al-sahir, la mécréance du sahir, celui qui fait le sihr, qui s'adonne au sihr. Troisièmement, al-wa'id al-shadid liman ara an kitabillah wa stabdala bihi ghayrah. La menace sévère à l'encontre de celui qui délaisse le livre d'Allah et l'échange contre quelque chose d'autre. Rabi'an wa akhiran, ana sihr min ash-shirk munafi lit-tawhid, lianahu istikhdamu lish-shayatin wa ta'alluq bihim. Le sihr fait partie de l'association à Allah qui annule l'unicité, car c'est utiliser les démons et s'accrocher à eux. Et avec cela, on a fini pour aujourd'hui. Wa jazakumullahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.